Le 27 juillet, les personnalités du Forum anti-impérialiste allemand ont visité l'ambassade coréenne dans leur pays à l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie. Ils ont déposé des bouquets de fleurs et rendu hommage devant les portraits souriants du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il.